France Culture, nuit spéciale tourisme à Paris. Alors depuis le début de la nuit, nous explorons, célébrons l'idée même de tourisme à Paris. Comme dans le monde entier, en tout cas dans les pays en paix, les autochtones se réjouissent toujours de l'arrivée en masse des touristes qui rendent la ville plus joyeuse, plus vive, plus riche également. Puis, comme partout peut-être, les autochtones en question n'hésite pas ensuite à, sinon se plaindre, du moins s'impatienter devant les cars qui créent des embouteillages, les files d'attente occasionnées par les touristes en question. Et puis, jamais contents, les autochtones, ils finissent par se lamenter lorsque les touristes du monde entier désertent le territoire en question, quelles qu'en soient les raisons, et on sait qu'elles sont parfois tragiques. Bref, le Parisien, puisqu'en l'occurrence c'est lui, l'autochtone, qui nous intéresse cette nuit, vit mieux grâce aux touristes. Il a la chance d'entendre chanter tous les accents de France, parler toutes les langues du monde, mais il ne se prive pas, parfois, d'être désagréable, peu accueillant avec les touristes en question. Et puis il sait enfin pleurer le touriste absent ou rare. En début de nuit, nous avons reçu Sylvain Patieux, commissaire de l'exposition Bon Baiser de Paris, 300 ans de tourisme dans la capitale, exposition à la galerie des bibliothèques de la ville de Paris. Puis nous avons pu entendre une tribune de Paris, datant de 1947, animée par Paul Guimard, dont le sujet était « La France est-elle en mesure de recevoir ses amis étrangers ?» Alors la réponse était « Oui ». Un reportage dans les coulisses d'un grand hôtel a suivi, c'est le Claridge en l'occurrence, qu'exploraient, micro en main, Clara Candiani et Dolly Steiner, une émission datant de 1950. Ensuite, nous avons passé une heure au Moulin Rouge, grâce à un documentaire de Jacques Fayet, diffusé dans la série « Lieux de mémoire » en 1996. Claude Mignot, auteur de « Paris sans façade remarquable » chez Paris Gramme, est venu nous aider à pratiquer un tourisme intelligent, à regarder les immeubles parisiens, apprendre à les apprécier, les immeubles et non pas les monuments ou les musées ou les églises. Il y a tant et tant de styles différents de toutes époques que marcher dans Paris, le nez en l'air, constitue toujours une grande leçon d'architecture. Et a suivi une conférence donnée par le sociologue André Siegfried en 1954, l'âge du tourisme, puis à l'instant, Léon Poelfargue donnait son point de vue de piéton de Paris sur les 6 premiers arrondissements de la capitale. Philippe Mello, bonsoir. Bonsoir, Philippe Lherbitte. En votre compagnie, nous allons faire du tourisme à Paris, mais du tourisme dans le passé. Un passé tout à fait compatible avec le tourisme d'aujourd'hui. Alors, les lieux ont changé, certes, mais pas nécessairement l'âme, ce qu'on appelle l'âme du quartier, même si par principe, on doit passer son temps à dire que Montmartre n'est plus Montmartre, que les Champs-Élysées non plus, que le quartier latin est méconnaissable, etc. Alors, avant de vous entendre nous parler des Montmartrois, d'une part, et des gastronomes parisiens d'autre part, vos deux sujets d'études récents. Je vous donne le menu qui va suivre notre entretien. Alors, toutes les émissions dont on a parlé, vous pouvez les réécouter en ligne, les télécharger, et vous pourrez faire de même avec les émissions qui vont suivre. Les Décraqués par Bertrand Jérôme, Tourisme minimal avec Emmanuel Brouillard, puis un deuxième lieu de mémoire consacré lui à la coupole à Montparnasse, émission de Thierry Aveline. Alors, premier lieu de mémoire, Philippe Mello, dans cette nuit spéciale tourisme à Paris, le Moulin Rouge. Deuxième lieu de mémoire, la coupole. Nous sommes donc très nord-sud et finalement nous sommes bien dans les territoires que vous avez étudiés et qui donnent lieu à l'apparition donc chez Omnibus de deux beaux livres, Les Montmartrois, l'album de famille, marchand de vin, restaurateur, cabaretier, artiste, petit commerçant et autres figures de la butte 1871-1940 et Les gastronomes parisiens, restaurants et gargotes du Palais Royal, des Halles, des Grands Boulevards, des Champs-Élysées et du Quartier Latin 1765-1940. 14, c'est ça, on est dans vos sujets d'études. Tout à fait. Tout à fait. Alors ces deux albums sont publiés chez Omnibus, donc je l'ai dit, et dans la collection Les vies secrètes du Vieux Paris. Alors les touristes français ou étrangers qui viennent à Paris en ce début d'année 2016, ils font du tourisme contemporain par définition, mais ils vont aussi se promener, qu'ils le veuillent ou non, dans le passé. Quand on se promène à Paris, on se promène toujours dans les traces de ceux qui ont vécu. Je dirais que c'est aussi une idée du tourisme à Paris. C'est-à-dire que Paris, pour sa vie aujourd'hui, bien sûr, c'est toujours quelque chose de puissant, quelque chose de très animé, de très fort. Mais en même temps, là, je dirais que le lien puissant entre le touriste et Paris, c'est Paris et son histoire. C'est-à-dire qu'on revient forcément sur les traces des grands écrivains, des grands scientifiques, des grands artistes qui ont animé la capitale à des périodes sur lesquelles, bon, je dirais que la vie de Paris était toujours plus belle, comme on dit toujours. C'était mieux avant. Mmh. Donc, d'ailleurs, vous parliez de Montmartre. Les Montmartrois de 1860 disaient déjà « c'était mieux avant ». Donc, inutile d'imaginer que ce que peuvent dire les Montmartrois de 1920 et ceux d'après. Enfin, surtout ceux qui ont connu la période où Picasso, tous les artistes d'une certaine génération animaient les rues et animaient surtout la vie quotidienne de ce quartier. Alors vous êtes parisien, Philippe Menot? Je suis parisien, j'y suis né, j'ai toujours été animé par la curiosité des rues, de l'animation, comment c'était avant. Alors, bon, je suis né au quartier latin, je suis né rue de Tournon, donc dans un quartier qui est resté encore un peu préservé. Donc ça a toujours, animé ma curiosité. Alors j'ai travaillé comme journée, j'ai fait plein de choses jusqu'au jour où finalement j'ai trouvé le temps et j'ai réussi à pouvoir écrire mon premier bouquin. C'était en 91, ça remonte mon premier bouquin sur Paris. Et donc, j'ai commencé à creuser d'abord, l'architecture, l'ambiance, les rues, les détours de toutes ces ruelles formidables du vieux quartier latin. Et puis après, il a fallu effectivement que j'amène des gens dedans. C'est-à-dire que j'explore non plus seulement les rues, mais aussi les gens qui les habitaient, les immeubles et les fenêtres dans lesquelles les gens sortaient leur museau, regardaient un peu le... Et puis après, toute l'animation, les petits métiers, enfin bon, tout ça, je dirais que Paris est un ensemble vivant qui n'est plus tout à fait le même aujourd'hui, effectivement, parce que beaucoup de choses ont disparu, comme justement on parlait des petits métiers, ce sont des choses qui ont été complètement remplacées. Les épiciers les ont expulsés et les gens qui faisaient ces petits métiers sont aujourd'hui dans les usines ou ailleurs, mais en tout cas plus dans les rues de Paris pour crier leur produits à vendre et autre chose. Et donc, bon, la vie à Paris, c'est si elle est différente, elle a toujours, beaucoup de caractère, beaucoup de force, beaucoup de couleurs. Donc, mais il n'empêche que le fait d'explorer un peu ce bon vieux Paris où les touristes déjà se pressaient autrefois, même sous l'ancien régime, les touristes étaient déjà nombreux. Donc, je dirais que la notion de tourisme et de curiosité vis-à-vis de la ville de Paris, l'ancienne capitale de l'Europe, c'était ainsi qu'on la nommait au 19e siècle, a quelque chose de tel suffisamment fort que ça m'a conduit donc à écrire tous ces ouvrages. Alors avant d'arriver à ces ouvrages, en tout cas celui sur Montmartre, Philippe Menot, je voudrais qu'on parle d'un livre que vous avez publié il y a peut-être une vingtaine, presque 30 ans, c'était Paris sans dessus-dessous. Parce que là aussi, alors c'est le Paris disparu, les petits métiers disparaissent, certes, les façades peuvent changer, les couleurs peuvent varier, mais il y a aussi des quartiers qui n'existent absolument plus. Et vous aviez, je crois que on le trouve encore, il est continuellement réédité, heureusement, voilà. D'ailleurs. Avec les photos de Marville. Alors oui, c'est le premier ouvrage que j'ai effectivement publié en 1991. Et ça a été un choc parce que toutes les photos de Marville n'avaient été publiées jusque-là que de façon très, très fragmentée. Et c'était donc la première fois qu'on découvrait son œuvre, dans une grosse part. Et Marville, effectivement, avait été engagé par le baron Haussmann pour pouvoir photographier la ville avant sa disparition. C'est-à-dire que le Paris de profil un peu médiéval qui subsistait encore, surtout dans l'île de la Cité, dans les quartiers les plus reculés, dont le quartier latin, auquel le quartier latin appartenait à l'époque, c'était les quartiers déshérités complètement. Et toutes ces rues ont été photographiées par Marville. D'une part, pour pouvoir montrer à quel point ce vieux Paris était sordide et justifier les travaux d'une certaine mesure, et d'autre part aussi pour garder la mémoire de ce que le Paris était encore auparavant. La photo vient de commencer. Marville prend ses premières photos à partir de 1852. On sort du daguerréotype, vraiment des toutes premières photographies. Donc c'était un témoignage unique et un rêve qui avait duré de longues années avant de finalement, pour moi, de retrouver toutes les archives de Marville qu'on trouvait à la bibliothèque historique de la ville de Paris, qui avait été à l'époque tout à fait formidable, qui m'avait ouvert toutes leurs archives avec beaucoup de bonne volonté. C'était une belle, c'est un vrai beau livre, un vrai livre témoin, de ce que Paris a pu être avant de venir, cette ville aux grandes voies très larges et très et très, très lumineuse, telle qu'on les a connues après. C'est étrange d'ailleurs que le baron Haussmann ait voulu finalement témoigner des crimes qui allaient être commis, enfin ce qu'on a pu appeler les crimes. Oh, les crimes, disons qu'avec le temps, je deviens un peu moins anti-haussmannien. À l'époque, d'abord, la première réaction était de constater, je dirais, les destructions. Parce que une église qui était sur une voie trop droite devait sauter. Enfin bon, ça se négociait avec l'évêché, mais c'est, je dirais oui, que... Oui, c'était pas seulement des quartiers insalubres. La vie avait, non, il n'y avait pas que ça, oui. Mais on aurait pu l'ouvrir différemment, sans doute. Et les destructions qu'on vient nous rendre aussi, toujours les amoureux du Vieux Paris, qu'on vient toujours très malades. Mais en même temps, bon, c'était une ville qui devait aussi un peu respirer, indiscutablement, et surtout s'agrandir. Sûr que, bon, Haussmann, d'une part, a détruit un certain nombre de choses, bien entendu, mais aussi a étendu la ville. C'est-à-dire que la ville s'étend en 1860, on passe de 12 à 20 arrondissements, et elle s'étend jusqu'aux fortifications de l'époque. Donc la ville s'agrandit, la ville s'aère, donc la seule chose qu'on ne compte pas quand même certaines destructions qui nous restent un peu sur la mémoire et sur l'estomac. Alors pour en terminer avec ces photos de Marville que vous avez rassemblées, Philippe Mello, dans un livre qui s'appelle Paris sans dessus dessous, publié chez VO, je crois. Oui, à l'époque VO, aujourd'hui c'est Place des Victoires qui vient de le rééditer. D'accord. On a un très fort volume de 500 pages. Ce qui est étonnant, c'est de ne voir personne finalement sur les photos, mais ça c'est pour des raisons techniques, je pense. Oui, c'est purement technique, c'est-à-dire que le temps de pause pour pouvoir faire une photo réellement de qualité exigeait donc un temps de pause très assez long, et donc toutes ces photos sont peuplées de fantômes, de gens qui bougent, mais donc ce ne sont que des traînées de fluides comme ça, assez étranges, assez belles d'ailleurs. Il faut qu'un chien ne bouge absolument pas pour être sur la photo. Il y a peu de chiens sur les photos. Alors, vous l'avez dit, Philippe Mello, donc Paris s'est agrandi en 1860, puisque comme une quinzaine de communes qui ont été rassemblées, un peu plus, un peu moins. C'est-à-dire que les communes limitrophes qui avaient déjà été coupées par la création des fortifications, elles vont être effectivement, je dirais, rattachées à Paris. Donc, d'où Montmartre. Dont Montmartre, effectivement, mm-hmm. Avait déjà été un peu coupée. C'est-à-dire que une part de Montmartre se trouve déjà dans le 9e arrondissement. Donc, Montmartre avait perdu déjà une partie de son identité, si je puis dire, et de son territoire. Et sera totalement intégrée, donc, à la ville à partir de 1860. Voilà. Et vous, votre période d'études, Philippe Mello, donc, c'est bien 1871-1940, pour ce qui est des Montmartrois. Les Montmartrois, hein, et pas la butte Montmartre. Enfin, c'est la population montmartroise. Donc, vraiment, là, les Montmartrois sont des Parisiens, mais ils ne sont pas vraiment Parisiens, même 10 ans après. Vous avez bien sûr raison de le souligner. Les Montmartrois sont des Montmartrois. C'est une identité propre que j'avais beaucoup remarquée en faisant un premier ouvrage sur Montmartre, qui s'appelait La vie secrète de Montmartre. Et là, j'ai voulu, je dirais, aller à la rencontre des Montmartrois eux-mêmes, parce que, comme je l'explique dans cet ouvrage, les Montmartrois ne sont pas natifs de Montmartre. Ce sont souvent des regroupements de personnes qui se sont installées là-bas et qui se sentent d'ores et déjà Montmartrois. C'est un peu comme quelqu'un qui entre à Paris, qui vit à Paris, qui finalement se sent parisien. Mais cette identité montmartroise a quelque chose d'unique d'ailleurs, parce que j'ai pu le suivre, au quartier latin, à Montparnasse, il n'y a pas cet esprit, je dirais, de caractère, lié à une surface précise, à un lieu aussi déterminé, aussi clair que Montmartre. D'ailleurs, ne serait-ce que même les frontières de Montmartre sont très difficiles à établir. Elles ont toujours donné lieu à beaucoup de discussions de toute nature. Et si jamais on commence à exclure quelqu'un de Montmartre, quelqu'un qui se sent réellement Montmartrois, c'est sujet à tous les drames. Alors, Aristide Bruand, lui, il était Montmartrois, un vrai Montmartrois, ou il est arrivé à Montmartre? Oh, ils sont tous arrivés. Oui, mais je pense que donc la population, vraiment, de souche, comme on dirait, abominablement, elle a peut-être mal accueilli ces peintres qui arrivaient, ces... Chanteurs, c'est... Les peintres... Il faut imaginer surtout quand même que les premiers peintres qui arrivent à Montmartre, bon, dans les années 1840, on va dire, 1830-1840, Montmartre, c'est rien. C'est un minuscule petit bourg dans les hauteurs. En bas de Montmartre, sur le boulevard, c'est quoi? C'est un mur, c'est le mur des fermiers généraux qui a été créé là. Il y a quelques guinguettes, il y a quelques balles, mais il n'y a rien. Il faut imaginer que être Montmartrois à l'époque, c'est avoir une petite baraque et quelques poules. Malgré que je sois un roturier, le dernier des fils à Poirier, la rue Berthe, depuis les temps les plus anciens, nous habitons moi et les miens à Montmartre. En 1870, mon papa cadorait le 3-6 et la verte est mort à 47 ans, qui fait qu'il repose depuis longtemps à Montmartre. Deux ou trois ans après, je fis, qui peut s'appeler pour un bon fils, une rue de perte, un soir, sur le boulevard Rochechouart, ma pauvre maman se laisse échouer à Montmartre. Je ne suis pas très heureux depuis, j'ai bien souvent passé mes nuits sans couverte. Et bien souvent, quand j'avais faim, j'ai pas toujours mangé du pain à Montmartre. Mais on était chouette en ce temps-là, on ne sacrifierait pas sur la butte déserte. Et je faisais la cour à Nini, Nini qui voulait faire son nid à Montmartre. Un soir d'automne, à ce qui paraît, pendant que la vieille pute retirait sa robe verte, nous nous époussions dans les foins, sans mère, sans noce et sans témoin, à Montmartre. Depuis, nous avons des marmots, des petites jumelles, des petits jumeaux qui feront certes, des petits poiriers qui grandiront, qui produiront des petits mourons à Montmartre. Malgré que je sois un roturier, le dernier des fils à Poirier, la rue verte, depuis les temps les plus anciens, nous habitons, moi et les miens, à Montmartre. Et les descendants du personnage de cette chanson deviendront des petits bourgeons et certainement pas des petits bourgeois. On ne peut pas être bourgeois à Montmartre. Oh, il y en avait relativement peu. Vivre à Montmartre, en général, c'était des petits employés, des ouvriers. C'était une classe très populaire qui se partageait, je dirais, entre le bas Montmartre où se trouvaient tous les restaurants, tous les bals et toute la vie, je dirais, un peu folle justement qui a caractérisé la Montmartre. Et le haut Montmartre où se trouvaient des gens très modestes, très très très pauvres la plupart du temps, qui vivaient encore avec une basse-cour jusqu'à la guerre de 14. On trouvait surtout il y a un endroit tout à fait particulier à Montmartre qui a disparu à partir de 1905-1906. Qui s'appelle le Maquis et qui était au pied du moulin de la Galette et qui descendait jusqu'à la rue Colincourt dans lequel se trouvait une somme de petites baraques. C'était apparu vers 1885-90 et ça a disparu en 1905 puisque l'endroit était difficilement constructible. Et là, vous aviez une vie absolument incroyable avec des autant un mélange d'artistes et de pauvres gens de cinglés complets, enfin bon, c'était de potiers de toute nature. Enfin bon, c'était un endroit tout à fait merveilleux qui a été construit de briques et de brocs et qui a été rasé. Je cours après tous les documents d'ailleurs qui ont trait à ça d'ailleurs. Je crois que c'est parmi les plus belles photos de cet album, donc Les Montmartrois, l'album de famille. C'est celle justement sur ce maquis comme ça. C'est-à-dire que je conseille vraiment aux touristes d'aujourd'hui de partir avec ce livre et de comparer. Et de passer l'avenue Junot qui n'existait pas et de voilà où c'est vraiment des l'avenue Junot. Alors ce qui est amusant, c'est s'appelait rue Junot d'abord. D'abord rue Junot puis avenue Junot, mais elle a été finalement ouverte donc sur le maquis qui était l'endroit sans doute un des plus pauvres de Paris et la rue l'avenue Junot aujourd'hui est un des endroits les plus prisés justement de la capitale. C'est paradoxe qu'on aime bien d'ailleurs dans Paris. Alors comment avez-vous procédé? Alors je pense que si on travaille depuis 30 ans sur Paris et le vieux Paris, le Paris disparu, on doit faire, je sais pas, les brocantes, les... J'ai la chance de travailler beaucoup avec des institutions. Plus maintenant, parce que le problème c'est que les institutions, il faut tout payer. Le problème c'est que maintenant Paris est devenu toutes les bibliothèques parisiennes qui avant vous proposaient des documents qui vous permettaient d'écrire un livre et d'aller de poursuivre une idée comme ça de façon un peu naturelle. Toutes ces institutions maintenant sont regroupées sous un label Z et donc font que aujourd'hui maintenant ils vous louent les documents qui théoriquement vous appartiennent parce qu'ils appartiennent à la ville de Paris et ils vous louent des documents pour pouvoir réaliser vos livres. Donc ils vous les font payer comme n'importe quelle agence de photos. Alors ce qui fait qu'il y a 15 ans, j'ai décidé de me battre à mon niveau et de rencontrer des tas de gens. Ce fait que maintenant j'ai réussi à me créer une banque d'images. Donc je dois avoir quelque chose comme entre 40 et 50 000 documents sur Paris. Je continue à en accumuler, à en trouver. On me passe des plaques en verre de toute nature. Tous les gens que je connaisse, quand je travaille, je dirais, me chinent des choses. Quand je les scanne. Et après, je me retrouve réellement à la tête, je dirais, d'une somme de documents qui me permettent de réaliser ces livres et de montrer surtout des documents souvent très inédits, complètement merveilleux. En tout cas, c'est l'impression que j'ai de l'inédit, parce que on se souvient pas les avoir vus dans d'autres livres. Alors, il y a évidemment les affiches pour les spectacles, le chat noir, ou le bal des étudiants, il y a beaucoup de balles à Montmartre. Ça, on peut, Mimi Pinson, on peut avoir vu ces affiches-là. Cette affiche-là est totalement inconnue. Alors, on n'a jamais elle vu. Elle est totalement inconnue. Tout le monde pense que le seul film lié à Mimi Pinson, c'est 1961. Vous allez sur Internet, vous avez tout ça. Personne ne connaît ce film qui, lui, datait de, je me souviens plus exactement. C'était un film pâté vers 1910. Non, justement, l'avantage de creuser, je suis moi-même antiquaire, et libraire de livres anciens. Donc, j'ai beaucoup de relations chez les marchands d'appareils photo, de documents de toute nature, de disques, de tout ça. Et les gens, ces amis-là, ont la gentillesse, de me communiquer le moindre document dès qu'ils en trouvent un. Et ça permet de... Il faut imaginer qu'une photo en verre, des années 1855, vous la scanner, vous pouvez en faire un poster. C'était d'une pureté. Et ce qui fait que tout ce qui est document papier, à la limite, la définition est moins bonne. Donc, en trouvant maintenant ce genre de documents, ça me permet de faire des agrandissements absolument merveilleux et d'entrer, dans la ville, dans la pierre de Paris. Parce que alors Montmartre a changé. Enfin, on connaît la chanson La Bohème, Aznavour, etc. Je ne reconnais plus le Montmartre. Mais ça, c'est encore plus tardif. Vous arrêtez à 1940. Mais si vous trouviez une photo magnifique de 53, 58, qu'en feriez-vous, Philippe Mélo? Ah, il faut à part un nouveau livre. À part le fait de l'apprécier, de la trouver et de l'aimer. Écoutez, je l'utiliserai pas parce qu'il faut savoir se mettre des frontières et des bornes. Mais à moins que de toute façon, l'avantage d'être auteur, c'est aussi de se pouvoir se faire plaisir et de se laisser aller, de faire un clin d'œil, même si la photo ne correspond pas à une période. Mais les périodes sont quand même, pour Montmartre, sont quand même très importantes. La rupture de, je vais jusqu'en 40, parce que il y a tout un univers qui va suivre très différent. C'est-à-dire que la plupart des grands peintres qui sont à Montmartre, quittent Montmartre vers 1910. Ils vont tous à Montparnasse. Donc il y a une rupture, dans l'ambiance, dans le décor de ce premier fait. Mais en même temps, Montmartre ne meurt pas. Le bon vieux temps, certes, sera cultivé par ceux qui sont partis et par certains qui restent. Mais la plupart sont toujours là. Et la commune libre de Montmartre, tout le monde va continuer à s'amuser. Dans ce livre, j'ai retrouvé, parce qu'ils ont fait des élections à un moment donné en 1920, justement pour pouvoir élire le maire de la commune libre de Montmartre. Il y a toujours une plaque d'ailleurs là-haut. Il y a toujours une plaque, c'est toujours en activité, c'est ça qui est merveilleux. Mais alors, leur principe, c'était d'une folie, c'était d'un surréalisme avant l'heure, je dirais qu'il y a vraiment cet esprit montmartrois de provocation, de folie, de rire, de générosité aussi, c'est très important, qu'il faut souligner ça, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui étaient réalisées pour les enfants de Montmartre, pour les petits poulebots, comme on les nommait. Et toute cette vie montmartroise se poursuit vraiment jusqu'en 1940. En réalité, la vie moderne de Montmartre, c'est pour ça que j'ai fini par m'accrocher à ces dates de 71. C'est donc le lendemain de la commune. 71, oui, de 1871, oui. Bien sûr. Mais on est au lendemain de la commune. Il y a donc une cassure. Il y a eu toute on sait que la commune a entre autres débuté à Montmartre. Et donc là, je dirais que l'esprit montmartrois explose à partir de cette période, surtout à partir de 1880, avec la naissance de plein de cabarets, de tous les cabarets, de tous ces personnages comme Salis qui crée le Chat Noir, enfin bon, toutes ces choses que tout le monde connaît après plus ou moins, et jusqu'en 1940 où la guerre effectivement va met un terme, je dirais, à un certain nombre de choses, même si encore une fois Montmartre est loin d'être mort et continue à cultiver sa différence. Et puis il y a la construction, l'édification de la cathédrale. Alors là, oui, c'est le grand drame de Montmartre, parce que d'une part, bon, effectivement, ça va finir par devenir un endroit si remarquable que les touristes commencent à se diriger vers Montmartre pour voir cet étrange gros gâteau blanc qui mettra quand même quelque chose comme une trentaine d'années pour être construit. On verra d'abord beaucoup plus des échafaudages pendant 10-15 ans. Ce ne sont que des échafaudages. C'est quelque chose d'effrayant. C'est pas une cathédrale d'ailleurs, je me reprends, c'est une église. Enfin, il n'y a pas d'évêque. Non. La cathédrale à Paris, c'est Notre-Dame. Absolument, c'est justement un monument d'une certaine façon qui est consacré à justement au souvenir de. Expiatoire. Un monument expiatoire consacré au souvenir de la commune. Ça peut pas plaire beaucoup là. Il y avait une opposition, surtout qu'elle sera achevée peu de temps après la séparation de l'église et de l'État. Alors bon, on imagine le combat qui était celui des catholiques d'à l'époque, surtout les catholiques et les autorités laïques du moment, quoi, et la République. Donc le climat était assez tendu et quelque part le Sacré-Cœur sera le symbole de ce conflit. Et c'est un symbole aussi qui sera partagé pour beaucoup par les Montmartrois qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette horrible boursouflure qu'on nous met sous la butte, c'est absolument effroyable. Et bon, c'est vrai que c'est pas très très beau, avouons-le. Et en même temps, c'est un peu comme la Tour Eiffel qui n'avait rien de très très joli, tout le monde s'est battu pour la voir disparaître. Et finalement, bon, aujourd'hui, avec les années, elle finit par tellement appartenir au décor. Et deux des choses d'ailleurs les plus détestées des Parisiens que sont la Tour Eiffel et à l'époque quoi, en tout cas le Sacré-Cœur sont aujourd'hui parmi les plus visités, parmi les choses que d'ailleurs je déteste le plus, là on est beaucoup plus vers le bord, c'est Beaubourg, que je trouve rigoureusement absolument abominable. C'est un des endroits les plus recherchés par les touristes. Ce qui ne cesse de me dire qu'il y a beaucoup de paradoxes entre la respiration, l'intimité des Parisiens et la curiosité des touristes parfois. En tout cas, Philippe Mélo, vous, ce qui vous a intéressé dans Les Montmartrois, l'album de famille, c'est la famille, c'est les gens qui sont dans les rues, et qui ont disparu. Alors, vous n'allez pas nous dire, certes, le Sacré-Cœur reste, l'avenue Junot s'est construite, voilà. Mais on ne peut difficilement croiser aujourd'hui les figures classiques telles que Bibi la Purée, ou en tout cas peut-être le descendant, ou le chauve chevelu. C'est qui tous ces personnages, Valentin Desossé. C'était des animateurs de rue, en quelque sorte, des cabaretiers, des chanteurs, des. Oui, c'est un commerce, hein, ça, l'argent circule quand même dans ce Montmartre qui est pauvre. Ah, mais il circule parce que le tourisme est déjà quelque chose d'important. Il explose réellement au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que ça se termine. Là, effectivement, il y a une rupture. Et tous les gens qui reviennent, justement, tous les Montmartrois qui sont partis se battre sur le front, ils reviennent et retrouvent Montmartre. Les prix ont triplé, quadruplé. À partir de 1920, les premiers autocars vont commencer à déverser des foules absolument incroyables. Dans les rues, même du haut Montmartre, pas seulement le bas, c'est-à-dire que même le haut, le Lapin Agile devient un endroit presque dangereux. Une voiture va manquer de freiner, de faucher Frédé et son chien, qui n'ont jamais vu une voiture de leur vie avant 14, et subitement il manquera de se faire écraser par une voiture au pied du Lapin Agile, ou qui est son voilà, qui mais... est son repère. Enfin bon, c'est les touristes, qu'est-ce que vous voulez, montent à Montmartre, mais... ils vont parfois écouter Yvette Guilbert aussi. Madame Arthur est une femme et qui fit parler dès le longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait. Pourquoi? C'est que, sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler dès le longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur est une femme qui fit parler dès le longtemps. Oui, on en parlera longtemps. Alors, les Montmartrois, Philippe Mélo, ne sont pas les seuls Parisiens qui vous intéressent, puisque donc, en même temps que cet album de famille publié chez Omnibus, vous publiez un autre album, également publié chez Omnibus, Les Gastronomes Parisiens. Alors là, on quitte l'étude d'un territoire finalement assez petit pour l'étude d'un métier, d'une sociologie, d'un métier, mais qui doit rencontrer par définition le client. C'est-à-dire vraiment le gastronome. Les gastronomes parisiens, c'est quoi? C'est les gens qui viennent dîner, déjeuner, ou c'est aussi les cuisiniers? Bon, je dirais que c'est un univers qui réunit tout un monde, bien entendu. Mais je dirais d'abord les gastronomes parisiens. Bon, la gastronomie en tant que telle existe depuis bien longtemps, non? Mais la particularité, c'est, je dirais, la spécificité de Paris, c'est, et ça peu de gens le savent, c'est que l'invention du restaurant appartient à Paris et aux Parisiens, donc à tous les amoureux, je dirais, de tout ce qui est toute forme de gourmandise, un des sept péchés capitaux, rappelons-le, bien qu'encore la version comme quoi la gourmandise noble et nuancée n'est finalement pas considérée comme telle, enfin bon, longtemps autrement. Et donc 1765, c'est la naissance à peu près, on n'a pas tous les détails, mais c'est la naissance surtout, je dirais, des premiers restaurants. Et à partir de ce moment, je dirais, juste à la veille de la Révolution, c'est un principe qui va exploser. Avant, on va dans des cabarets, on mange avec des gens qui boivent. Il n'y a pas de notion de restaurant. On ne peut pas se déplacer, entrer dans un établissement pour pouvoir manger quelque chose. Et donc la culture, je dirais, gastronomique parisienne va donc quitter simplement les tables des meilleurs, je dirais, des grands seigneurs, pour pouvoir donc s'installer. Le Palais Royal est à l'époque le cœur de Paris, et donc la plupart des premiers restaurants vont trouver place dans les allées du Palais Royal. Puis souvent, ce sont des restaurateurs ou des cuisiniers qui arrivent de province et qui viennent avec leur savoir-faire, leur talent, et qui, le principe, c'est de trouver le bon endroit. Et en fait, quand on lit votre livre, Philippe Mélo, donc, on voit le Palais Royal, les Halles, les Grands Boulevards, les Champs-Élysées, le Quartier Latin, ça a guère changé. C'est toujours des lieux que les restaurateurs cherchent à acheter. C'est les angles de rue les plus chers, les lieux, enfin, il faut, de passage. Je dirais que oui, bien sûr. Bon, les grands quartiers, les quartiers principaux dominent. Mais à l'époque, le Quartier Latin n'est pas dans les premières années du 19e siècle, et surtout à la fin du 18e. Le Quartier Latin n'existe pas. Enfin bon, c'est le quartier des écoles. Il n'y a pas de restaurant. Enfin, il y en aura. On commencera un peu à en voir un ou deux apparaître à partir du milieu du 19e, vers 1850. C'est la Pérouse, ce sont des restaurants comme ça. Le Bouillon Chartier, tout ça. Oui, ah non, les bouillons Chartier, on est déjà vers 1880-90, ah bon. C'est beaucoup plus tard. En réalité, on suit, je dirais, l'évolution et la création des restaurants en fonction du déplacement des Parisiens. Donc d'abord, on est au Palais Royal, parce que le cœur de Paris est au Palais Royal. Puis après, quand le cœur de Paris se déplace, commence peu à peu, je dirais, à se déplacer vers les grands boulevards, à ce moment, et bientôt quitter le Palais Royal pour différentes raisons, les restaurateurs vont tous commencer à ouvrir des grands, mais alors toujours des établissements d'un luxe absolument incroyable, parce que la restauration à plusieurs niveaux, vous avez soit la restauration à travers Madame Dugenou qui a ouvert une petite gargote du côté des Halles dans laquelle on peut manger une bonne vieille cuisine, de campagnarde et du cru, et bien sûr les énormes restaurants, mais qui peuvent accueillir beaucoup de monde. Toutes les maisons dorées, tous ces grands établissements sont d'un luxe absolument effréné, inouï. Sont d'ailleurs atteignent des prix pour un repas complètement incroyable. Alors tous les quartiers que vous explorez, donc Philippe Mello, dans ce livre Gastronome parisien, on a l'impression de se promener dans des romans, alors 19e siècle en tout cas, chez Balzac et autres. Derrière les noms, alors il y a les classiques, mais aussi le restaurant Beaurain, chez Bignon, Bréban. Alors chez Bréban, il y a un imposteur démasqué, il s'appelle Charles Moncelet. Pourquoi? C'est souvent d'ailleurs, pas toujours, mais souvent, Bréban, c'est le fondateur du restaurant. C'est souvent également le cuisinier. C'est-à-dire qu'on tourne autour de l'animateur, de celui qui crée une ambiance culinaire et qui attire donc le public par rapport à ça, et qui lui-même dispose d'un caractère très très enjoué et qui attire toujours ce même public. Alors on imagine donc tous les restaurants que vous avez cités sont des restaurants du boulevard, parce que c'est la clé, je dirais, du Paris jusqu'en 1914, la fin du boulevard un peu, c'est encore une fois, c'est la fin de bien des choses d'ailleurs, la guerre de 14, mais en particulier, je dirais, du vieux boulevard, des lions et de tous les personnages un peu truculents, quoi, qui montaient et qui descendaient. Il faut imaginer aussi que les boulevards, c'est une somme absolument invraisemblable d'entraîneuses, de prostituées qui glissent dans tous les cafés en attendant de se faire inviter chez Beaurain, chez Bignon ou ailleurs, pour quelques sous, enfin un peu plus peut-être. Et donc tous ces personnages, tous ces caractères sont surtout des inventeurs de sauces, des inventeurs de plats exceptionnels, qui vont marquer, j'irais, la cuisine française. C'est-à-dire que la cuisine française prend son véritable et premier grand essor en dehors du XVIIe siècle, mais son premier grand essor à ce moment-là, parce que vous avez un terrain d'expérimentation extraordinaire, une concurrence qui fait que l'attirance de la clientèle va pousser donc tous ces grands cuisiniers à attirer, je dirais, à commettre des inventions absolument scandaleuses ou surprenantes, et de façon à créer une cuisine qui va faire de la cuisine française, en particulier cette cuisine mondialement connue. Les chroniqueurs gastronomiques aussi qui sont inventés à ce moment-là, et donc d'où ce Charles Moncelet, là, démasqué, auquel je faisais allusion, un imposteur chez Bréban. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive, et c'est dans un des encadrés nombreux de ce livre, parce qu'il y a aussi les textes de Dumas, de tas d'autres, Balzac et autres. Je préfère souvent citer les gens du cru plutôt que de parler à leur place. Ce qui fait que Dumas avait beaucoup de choses à dire, ou Balzac, etc., qui étaient tous des grands gourmands et des grands gastronomes. Oui, donc notre ami Moncelet, en vérité, écrivait beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'articles sur la gastronomie, et certaines personnes le soupçonnaient de ne pas avoir le palais aussi fin qu'il cherchait à le prétendre. Donc effectivement, il se fera coincer un beau jour par quelqu'un qui lui dira qui lui fera le service d'un repas absolument merveilleux, officiellement merveilleux, mais la description de chaque plat sera fausse. Alors donc il dira, ah oui, quel mais alors j'ai plus en tête, je vous laisse retrouver les C'est très cruel parce qu'en effet, on lui dit que c'est un Château La Rose. En fait, c'est du Mâcon dans lequel on a versé quelques gouttes d'un punch Grasso. Le Johannisberg, c'était un Chablis ordinaire, un parfum de petites fleurs des bords du Rhin, un peu d'essence de thym extraite d'un bain de sel de Pénès. Et puis voilà, on lui dit que c'est du champagne alors qu'on a rajouté je ne sais quoi dans. Et sur la nourriture aussi, c'est-à-dire que voilà, on est content de. Sur les boissons surtout, bon. Peut-on, j'ignore si Moncelet était aussi bidon qu'on avait bien voulu le dire à ce moment-là. Toujours est-il que ce jour-là, il s'est vraiment planté, a salué les merveilles qui lui étaient proposées, qui lui étaient servies. Mais avez-vous trouvé, Philippe Mello, ce personnage, Monsieur Fesch Cabartier, président en 1897 du club des 100 kilos? Ah, ça c'est une des anecdotes que je préfère. Ce sont une bande d'obèses qui font des repas qui durent 18 heures. Mais des repas intelligemment conçus, hein. C'est-à-dire que ce sont des repas faits en trois étapes, de 6 heures. La première étape, bon, vous savez, mais alors la liste aussi, est absolument, oui, ça, en toute façon, c'est les listes insensées qu'on lit aussi mangeant très, très richement pendant les 6 premières heures, après mangeant beaucoup plus léger, mais considérablement et de façon très poivrée, très très relevée pour pouvoir faire passer, je dirais, la digestion des six premières heures de repas. Mais c'est ce qu'ils avalent, n'importe quelle personne aujourd'hui bien constituée, ne pourrait en avaler le dixième sans tomber sur le dos comme une tortue. Enfin bon, ce sont des témoignages qu'il faut vraiment découvrir, vraiment par le détail, parce que c'est merveilleux. C'est la grande bouffe. Ah, mais c'est même la grande bouffe paraît modeste à côté du repas des c'est la grande bouffe dans Paris, mais il y a aussi, alors évidemment, il y a des gens qui à côté de ça, entre 1765 et 1914, ont des problèmes, enfin meurent de faim quasiment. Oui, c'est et qui sont à côté des qui regardent les qui passent de sur les voulu, boulevards. J'ai voulu absolument conclure ce livre sur le bonheur de bien manger, de bien boire, justement par un témoignage qui avait été recueilli à l'époque par Jules Vallès, dans son bouquin Les Réfractaires, et qui voit toute cette jeunesse qui arrive, qui ne ce ne sont pas des touristes, c'est des gens qui sont montés à l'assaut de Paris pour pouvoir être reconnus, faire valoir leur talent de poète, leur talent d'écrivain et autres caractères comme ça. Et il avait reçu le témoignage d'un garçon qu'il a surnommé Fontan Crusoé, la notion de un type qui s'appelait donc Fontan, et qui décrit avec quelles horreurs de la faim. Alors je ne pouvais je dirais ne pas ouvrir les yeux sur aussi le côté face de la pièce de Paris, cette ville lumière qui brille de mille feux, que tout le monde je dirais connaît à travers le monde pour sa gastronomie, pour ses femmes, pour ses beautés, et d'autre part oublier effectivement tous ces gens qui mouraient de faim, qui n'étaient pas forcément des ouvriers ne trouvant pas faute d'argent, ou des alcooliques ayant mal, je dirais, pris leur virage à un moment de leur existence, mais simplement de pauvres gens très intelligents, très cultivés, qui n'arrivaient pas dans cette société très difficile qui était quand même celle du Second Empire à tirer leur épingle du jeu et même à survivre. Et qui avait été chassé aussi de Paris, vu que les grands travaux avaient quand même éloigné des gens. Oui, mais ces gens-là, c'était pour beaucoup des intellectuels. Soit les gens travaillaient, ils pouvaient continuer à travailler dans Paris, mais les halles étaient un, par exemple, un véritable, je dirais, une concentration de toute la pauvreté, parce que justement tout ce qui est bouffe se trouve aux halles, donc ça attire forcément tous ceux qui ont faim. Dominant de clochard. Puisque c'est, paraît-il, quand la cloche sonnait à la fin des oui, du oui, marché, oui, quand oui, ça, alors, qu'arrivaient y a, les pauvres. Il y a plusieurs, effectivement. Ah bon, c'est pas la bonne étymologie? Peut-être. Non, j'en conviens. Non, tout à fait. Et, enfin, voilà. Donc, ce que j'insisterais sur le fait que Paris est toujours à une double face. Vous avez le Paris des Lumières, les grands boulevards, donc, et tout ça. Mais en marge, vous avez, dans le nord de Paris, vous avez, dans le nord-ouest, vous avez la route de la Réole, vous avez des cités qualité de chiffonnier absolument incroyable. La pauvreté atteint des niveaux qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Et en plus de ça, l'absence totale, je dirais, de culture, l'abrutissement par l'alcool, comme on parlait tout à l'heure Bruant, le 3-6, la fée verte et tout ça, toutes ces choses-là, je dirais, sont des condamnations. Mais dans le cas de notre ami Fontan-Crusoé, il ne boit pas, il aimerait seulement manger. Et ce type-là mourrait de faim à côté de ses confrères qui eux au quartier latin dans certains établissements eux par contre se réunissaient pour pouvoir faire des bouffes absolument incroyables. Voilà, les touristes d'aujourd'hui vont prendre les Montmartrois, l'album de famille sous le bras, puis les gastronomes parisiens, tous deux édités chez Omnibus, Philippe Mello, dans la série, la collection Les Vies Secrètes du Vieux Paris, et ils feront du tourisme de plus en plus intelligent. Merci Philippe Mello. Merci à vous.